C'est toi, c'est toi, parce que tu sais où tu vas. Comme les vieux sages d'autrefois, tu regardes ton horizon tout droit. C'est toi comme une chanson entêtante, vers toi comme une évidence troublante. Je ne suis plus qu'aimant. Se fait. Les forçats se détournent de leur peine. L'espérance incertaine, le doute lutte, l'avenir se fait. Parce que c'est toi. Cette route, rien qu'avec toi, je veux relever le défi et dire au bonheur, nous voici. Ce n'est qu'à cause du syndrome de Stockholm.